devait être initialement lancé en 2007 pour un budget de 500 millions de dollars. Il a finalement été lancé le 25 décembre dernier, soit 14 ans plus tard, pour un montant de 10 milliards de dollars. Mais ça y est, après de multiples reports et une inquiétude immense au regard des espoirs scientifiques placés dans cet équipement, le James Webb Space Telescope est au moment où nous parlons en voyage vers son orbite finale à 1,5 million de kilomètres de la Terre pour une mission qui, grâce au succès du lancement, doit durer au moins 10 ans. On vous dit tout sur ce petit bijou de l'exploration spatiale. Mon nom est Webb, James Webb. C'est le programme spatial qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous raconter l'épopée de ce télescope comme aucun autre qui promet de nous faire remonter jusqu'à des âges de l'univers auxquels nous n'avions jamais eu accès, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Laudet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur astrophysicien et responsable des programmes d'astrophysique au CNES à Toulouse, au Centre National d'Études Spatiales. Et nous sommes également en ligne avec Élodie Choquet. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes astronome adjointe au laboratoire d'astrophysique de Marseille à l'université Aix-Marseille. Mais avant de vous retrouver, on commence par celle qui décolle toujours à l'heure pour le Journal des Sciences. C'est Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, une innovation thérapeutique importante pour les personnes séropositives, un traitement par injection bimestrielle. Oui, en France, on estime que 180 000 personnes sont contaminées, dont 25 000 qui ignorent leur séropositivité. Depuis le 21 décembre, pour les personnes qui vivent avec le VIH, un nouveau traitement est disponible et remboursé à 100% par la Sécurité sociale. Il s'agit d'une bithérapie injectable, tous les deux mois, avec deux antirétroviraux que l'on connaît bien. Une piqûre de cabotegravir dans une fesse et dans l'autre, une de rilpivirine. Des essais cliniques ont montré que pour contrôler la charge virale des patients, cela fonctionnait aussi bien que la prise quotidienne de comprimés. Cette innovation est une avancée majeure pour la qualité de vie des patients, mais aussi une carte de plus dans la lutte contre le VIH. Hugues Fischer est représentant d'association au groupe TRT5 et l'ancien président d'Actop Paris. Ce qui se passe, c'est très simple, c'est que depuis 35 ans qu'on a commencé à utiliser les premiers antirétroviraux contre le VIH, ce qui s'est passé, c'est essentiellement que les gens ont fini par se trouver avec un traitement qui s'est progressivement allégé, mais qui était en général quotidien et par voie orale. Et donc, l'industrie pharmaceutique s'est dit, et si on pouvait faire mieux, c'est-à-dire alléger la charge d'un traitement à très long terme, en essayant d'avoir des formes qui persiste beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire pour lesquels on a moins de prix. Et dont ben, le premier vient d'être utilisable de manière standard en France. La chose, c'est qu'on est au tout début de l'histoire et que, en fait, c'est le premier produit approuvé définitivement, mis sur le marché et tout, mais qu'il va y avoir d'autres choses. Pour arriver à faire des longues durées d'action, l'industrie cherche toutes sortes de pistes, dont une qui est des implants à diffusion lente. Mais alors là, il s'agit de changer l'implant une fois par an, quoi. Nous, dans les associations et au groupe TRT5, on a surtout plaidé pour que ce genre de produit soit vraiment utilisable et vraiment mis à disposition, parce que ça facilite la vie des gens, notamment des gens qui ont éventuellement des difficultés pour garder leurs médicaments, des difficultés d'accès aux soins, des gens dans des situations précaires, etc. Parce que là, ils ont juste qu'à faire une injection, ils sont tranquilles pour un moment. Ils n'ont pas besoin de conserver des médicaments avec eux. Disons que ça simplifie la vie des gens, quoi. Même si, par ailleurs, les injections, faut les faire. Évidemment, hein, plutôt que de prendre des comprimés tous les jours, c'est pas mal. Il est toujours important de rappeler que voilà que quelqu'un qui est traité avec des antirétroviraux cesse de devenir infectieux. C'est surtout ça qui est important. Et là, pour le coup, disons que ça simplifie la vie des gens, notamment parce que on assure une constance des traitements à coup sûr. Et donc, immanquablement, on assure un résultat thérapeutique et suppression de la charge virale à coup sûr. Et on peut retrouver évidemment comme chaque jour cette étude sur nos réseaux sociaux, en l'occurrence sur notre fil Twitter @laméthodefc. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans la revue Nature, le SARS-CoV-2 peut se transmettre chez les cerfs qui vivent en liberté. Des vétérinaires américains ont fait des prélèvements nasaux et des tests PCR de 360 cerfs sauvages des cerfs de Virginie. 35%, plus d'un tiers d'entre eux, ont été testés positifs au SARS-CoV-2. D'autres études de différentes régions des États-Unis ont apporté des résultats similaires sur des clusters de cervidés. Les chercheurs craignent que ces animaux, et plus largement que la faune sauvage, constituent de nouveaux réservoirs viraux, ce qui pourrait favoriser de nouvelles mutations. Selon une autre étude parue également dans la revue Nature, nous avons pour la première fois enregistré des oscillations à haute fréquence d'une éruption de magnétar. Ces étoiles à neutrons hyper denses avec des champs magnétiques extrêmement puissants sont capables d'éruptions géantes qui libèrent plus d'énergie que le Soleil en 100 000 ans et en seulement un dixième de seconde. Ces éruptions sont très difficiles à étudier car elles sont rapides, imprévisibles et qu'elles saturent les instruments d'observation même à 13 millions d'années-lumière. C'est le cas notamment de l'explosion GRB-20-0415A enregistrée en avril 2020. Mais de nouvelles données nous viennent d'un instrument inattendu, la CIM. Embarquée à bord de l'ISS, la CIM surveille initialement l'atmosphère terrestre et n'a pas été saturée par l'éruption. Ces données révèlent deux oscillations quasi périodiques à haute fréquence et permettent de mieux comprendre ces monstres cosmiques. Et enfin, depuis le 1er janvier, la contraception pour toutes les femmes de moins de 25 ans est gratuite. Mais jusqu'en 2020, seuls les mineurs pouvaient bénéficier d'un accès gratuit. Désormais, si vous êtes une femme de moins de 25 ans, stérilés, implants et certaines pilules sont prises en charge par l'assurance maladie. En septembre, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait déclaré qu'il y avait un recul de la contraception chez les jeunes femmes, le plus souvent pour des raisons économiques, d'où l'extension de cette gratuité. Merci beaucoup Natacha, à demain pour le prochain Journal des Sciences. C'était vraiment Noël cette année pour les amoureux de l'espace avec le succès du lancement du James Webb Space Telescope le 25 décembre depuis la base de Kourou à bord d'une fusée Ariane 5. Ce télescope que d'aucuns avaient fini par appeler l'Arlésienne de l'espace à cause des multiples reports et délais que le projet a accumulé ces derniers mois et ces dernières années est désormais bel et bien en route vers son orbite finale à 1,5 million de kilomètres de la Terre au point dit de Lagrange L2. Mais comme l'esprit de Noël souffle encore un peu sur nous toutes et tous en ces premiers jours de l'année 2022, je vous fais un cadeau, on revient ensemble ce lancement. Niché dans le nez de la fusée Ariane 5, le télescope James Webb a enfin pris son envol tout à l'heure. Replié le temps du voyage, une trentaine de minutes, avant la délicate opération de séparation et sa mise sur orbite. Séparation Webb Space Telescope. Go Webb ! Première victoire pour les équipes de la NASA et de l'Agence spatiale européenne. Cela fait 30 ans qu'ils y travaillent avec les Canadiens. Space Telescope is really a unique mission. C'est une mission unique. Un voyage qui va nous ramener au tout début de la genèse de l'univers, à près de 200-300 millions d'années après le Big Bang. De cette façon, nous allons voir comment l'univers a été créé et comment les étoiles ou les planètes se sont formées. En route pour les étoiles, voici la dernière image de James Webb. 8 mètres de haut, 6 tonnes, il s'agit du télescope le plus puissant jamais envoyé dans l'espace. Son pare-soleil, pour vous donner une idée, fait la taille d'un court de tennis. Il le protégera de la lumière du soleil pour observer les plus lointaines étoiles et les exoplanètes par infrarouge. D'où venons-nous ? Sommes-nous seuls dans l'univers ? Cette prouesse technologique à 10 milliards d'euros promet d'incroyables découvertes, à condition d'être patient. Dans un mois seulement, James Webb arrivera à destination à plus d'un million et demi de kilomètres de la Terre. Il y restera des années. Voilà, et c'était ce décollage il y a 15 jours. On va vous retrouver cette très très très belle vidéo où l'on voit le télescope partir dans l'espace et déployer son premier panneau solaire. J'aimerais peut-être entendre votre réaction, puisque j'imagine l'un et l'autre, Élodie Choquet, Philippe Laudet, que vous avez suivi ce lancement. Comment c'était de suivre ce lancement en direct? Est-ce qu'il y avait une vraie angoisse que les choses se passent mal alors que on avait fait en sorte et on avait reculé la date au maximum pour que tout se passe bien? Comment vous l'avez vécu, Élodie Choquet? Oui, c'était très émouvant. Pour ma part, je dirais une certaine fébrilité, pas forcément de l'angoisse, mais vraiment une forme d'excitation ou de fébrilité à voir que ça se passe bien. Et puis une fois qu'on a constaté que ça s'était vraiment parfaitement passé, vraiment aussi une forme de fierté pour ce travail accompli. Et en particulier la contribution française à ce lancement qui était vraiment l'une des phases les plus critiques de cette mission. On va vous remettre d'ailleurs le lien vers l'émission que nous avions consacrée juste 2 jours avant le lancement à Ariane 5 et à Ariane 6 qui a, en l'occurrence Ariane 5 fait vraiment plus que son boulot, on va en reparler dans un instant. Mais vous Philippe Laudet, comment vous l'avez vécu ce lancement? Vous étiez aussi accroché à votre radio, à votre télé, sur internet. Comment est-ce que vous avez passé ces quelques instants d'angoisse? Déjà un tir qui arrive le 25 décembre, c'est un petit peu singulier. Donc j'étais en plein repas de famille de Noël, puisque c'était le seul jour où je ne devais pas être à la Cité de l'Espace qui était fermée. Et je l'ai vécu sur mon téléphone pendant le repas, entre la dinde et le... voilà, non mais c'était... Et j'étais pas seul, puisque je montrais le téléphone à tous mes amis qui connaissent ma passion et qui la partagent en partie. Donc voilà, ça a été un grand soulagement, parce que c'est vrai que, Ariane 5 est un des lanceurs les plus fiables au monde, ça c'est clair, mais malgré tout c'était une contribution majeure de l'ESA à tout le programme. Hein. Fournir un lanceur pour une charge utile de 10 milliards de dollars, c'est quand même pas une mince responsabilité. Et on ne peut pas s'empêcher, même si on est toujours positif et optimiste, de se dire, et s'il y avait un malheur, car c'est jamais tranquille un lancement, quelles seraient les conséquences programmatiques, de crédibilité, etc., etc. Donc il y avait un petit peu cette angoisse un petit peu cachée au fond de nous, et voir ce magnifique tir m'a complètement soulagé. Et lorsque la séparation a eu lieu et qu'on a vu le panneau solaire se déployer, j'ai pu passer au café et au pouce café en toute sérénité. Voilà. Est-ce qu'il y avait vraiment des risques majeurs d'accident, ou est-ce qu'on a tous joué à se faire peur un peu, à votre avis, Elodie Choquet? Non, comme l'a très bien dit Philippe, c'est jamais garanti un lancement de fusée. Effectivement, Ariane 5, c'est une des plus fiables au monde, mais voilà, c'est JWST, c'est aussi une mission exceptionnelle pour laquelle la fusée a dû être aussi adaptée pour pouvoir l'accepter dans sa coiffe. Parce qu'il est tellement gros qu'il avait fallu faire des petits ajustements. Et on ne sait jamais si ça aurait bien pu se passer, ou si, je sais pas, il y a toujours des possibilités de ratage, donc forcément on ne les espère vraiment pas, et on est forcément très soulagé effectivement de voir quand ça se passe bien. Pour passer aux étapes suivantes. Alors cette étape-là, on va discuter des étapes suivantes, mais cette étape-là, la première, c'est tellement bien passé, Philippe Laudet, que la NASA a annoncé que le lancement d'Ariane 5 avait été si précis que d'ores et déjà, la mission du James Webb Space Telescope était au moins vraisemblablement doublée, c'est-à-dire passée de 5 ans et demi à 10 ans, parce que, pour des raisons que vous allez nous expliquer d'ailleurs. Non, en fait c'est très simple, il a un petit peu de, on pourrait dire de carburant, de comburant à bord, de gaz quoi, pour maintenir son orbite qui tourne autour du point de Lagrange L2 le plus longtemps possible. Et en général la fin de mission d'un satellite comme ça, c'est quand il y a plus de gaz pour le maintenir en orbite. Donc en fait ce gaz, il va être utilisé après le lancement. Si le lanceur n'a pas été très précis, on va utiliser beaucoup de gaz pour le remettre sur une orbite beaucoup mieux précise, une trajectoire là en l'occurrence précise vers son point L2. Donc on attend d'avoir les premiers paramètres de mécanique céleste du composite et du télescope pour savoir quelle a été la précision d'Ariane 5. Et là, la précision a été tellement bonne que très peu de gaz va être utilisé, enfin juste au cours des 3 manœuvres principales, mais elles vont pas être aussi longues que ce qu'elles auraient pu être, parce que la précision était fantastique. Donc ça veut dire qu'il va rester beaucoup de gaz, et donc là, il n'est pas très compliqué de faire une extrapolation sur le temps qui va être nécessaire, qu'on va pouvoir utiliser pour faire ces manœuvres, et combien de temps on va pouvoir faire la mission. Et là, les Américains ont tout de suite annoncé que les 5 ans initiaux pouvaient facilement, et voire au-delà, être doublés en plus de 10 ans. Et ça tombe super bien, parce que les 2 semaines qui précédaient, on avait beaucoup au CNES discuté du budget pour l'exploitation des données, et on avait fait rajouter 5 ans pour aller jusqu'à 10. Et les gens qui ne veulent pas dépenser d'argent, évidemment, avaient posé des questions. Vous êtes sûr que ça sera nécessaire? Eh bien oui, on a bien fait. Voilà. Oui, et le disjockey, parce que là on comprend bien que le James Webb utilise donc les ergols, le carburant qu'il contient pour atteindre son orbite finale dont on va parler dans un instant. Il y a eu deux manœuvres de correction de trajectoire, hein, une de 65 minutes et une autre d'un peu moins de 10 minutes. Mais bien ces ergols, une fois qu'ils sont là, ils vont servir à quoi une fois que le James Webb sera au point de Lagrange L2 à quoi ça peut continuer à servir puisqu'il sera placé en orbite? Oui, donc il y a, disons, un peu deux utilités à ce carburant, on va dire, ce fuel. C'est, comme l'a dit Philippe, c'est de se maintenir sur ce point L2, parce que L2, en termes de dynamique, c'est censé être un point qui est stable, c'est-à-dire qu'une fois si on y est très précisément, on devrait pouvoir y rester sans problème. Mais si on n'y est pas précisément dans la direction du Soleil, disons si on est un petit peu plus proche du Soleil que le point L2, eh bien on a tendance à dériver de plus en plus vers la Terre et vers le Soleil. Et à l'inverse, si on est de l'autre côté du point L2, donc un petit peu plus loin que le point L2 dans la direction radiale, eh bien là aussi on continue de dériver dans la direction qui nous éloigne donc du Soleil. Et le problème, c'est que, eh bien, pour des, enfin, comme JWST a été créé vraiment pour des observations dans l'infrarouge, on n'a vraiment pas envie de mettre des petits propulseurs du côté froid du télescope, donc de l'autre côté des pare-soleil, du côté froid, pour ne pas créer de source de chaleur ni si on allume ces propulseurs de ce côté-là, de contaminer un petit peu le miroir primaire. Donc on n'a que des petits propulseurs de l'autre côté, du côté chaud, et donc on a intérêt à être tout le temps un petit peu en amont du point L2 pour pouvoir toujours récupérer un petit peu, se rapprocher du point L2, mais sans jamais le dépasser, sinon on perdrait le télescope. On va continuer à discuter de ce James Webb Space Telescope. Vous allez voir que la route est encore longue, même si une partie du trajet a déjà été fait. On ne va pas avoir les premières images tout de suite, mais on va essayer de suivre, d'anticiper cette histoire et puis surtout de comprendre ce que va nous permettre de voir de nouveau ou à nouveau ou pour la première fois ce tout nouveau et flambant neuf télescope spatial James Webb. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc à 16h20 bientôt du James Webb Space Telescope tout au long de cette heure en compagnie de Philippe Laudet et d'Élodie Choquet. Alors on va pas revenir sur l'histoire de ce télescope puisque nous y avions déjà consacré quelques émissions. Je vous renvoie au lien que nous postons sur notre fil Twitter. J'aimerais savoir ce qui s'est passé déjà d'ores et déjà, Philippe Laudet, depuis le 25 décembre. Qu'est-ce qui est en train de se passer au moment même où nous parlons? Et puis après on discutera de ce qui va se passer d'ici grosso modo la fin du mois de janvier et l'arrivée de ce télescope à ce fameux point L2. Philippe Laudet. Oui, mais alors la première chose qu'on a d'ailleurs vue en direct, c'est le déploiement du panneau solaire. C'était quelque chose d'automatique. Et puis ensuite, il y a eu une première manœuvre dont vous avez parlé. Elodie a rappelé 65 minutes, je crois, qu'elle a duré. Et ensuite, il y a eu un déploiement de l'antenne Auguin, parce qu'il va falloir communiquer avec une grande intensité, un énorme débit avec la Terre. Et tout ça s'est très bien passé. Puis ensuite, il y a eu la deuxième manœuvre. Et enfin, à partir de là, Les déploiements n'étaient plus automatiques mais commandés depuis le sol parce que donc les ingénieurs entre chaque opération étudient le résultat de la précédente pour savoir comment au mieux programmer la suivante. Donc là ils ont commencé à déployer le panneau, le fameux panneau solaire, le bouclier, qui est grand comme un court de tennis comme cela a été dit. Alors quand je dis qu'ils ont commencé, en fait là à ce stade ils ont presque fini, hein, ils ont déployé les deux panneaux, les deux bras qui étaient sur les plus grandes dimensions, puis là ils viennent de tirer les feuilles de cap, je crois que c'est du capton, mais je peux c'est du capton exactement. Enfin, non, c'est exactement bon. Qui partent sur les côtés. Et je crois qu'au stade où on est aujourd'hui, ils sont en train de vérifier que tout ça s'est bien étiré. Il leur reste à tendre à séparer les cinq couches, puisqu'il y a cinq couches de capton, à les tendre correctement, puis ensuite de vérifier que la tension appliquée est parfaitement appliquée, quoi. Et donc ça terminera le déploiement du panneau solaire. Et on pourra. Ça, c'est une question de 24-48 heures maximum. Désormais. rien. Et ensuite, on rentrera dans le déploiement du miroir secondaire, qui est ce petit miroir qui doit être devant le miroir principal, qui va descendre au bout de son armature. Et puis après, le miroir primaire, il faudra déployer les segments hexagonaux. Il y en a 3 de chaque côté, donc 6 en tout, qui viendront compléter les 12 autres pour faire les 18 segments. Et enfin, on arrivera au point de Lagrange, et là, on pourra commencer à allumer et tester les instruments. Alors peut-être on va reprendre les choses un peu dans l'ordre, Élodie Choquet. Déjà, ce bouclier thermique, on a dit 5. Pourquoi 5 couches? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de 5 couches pour protéger? À quoi il sert exactement? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que c'est que ce fameux bouclier dont tout le monde a dit qu'il était grand comme un terrain de tennis, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose tout compte fait. Oui, c'est ça. Donc en fait, il sert vraiment à refroidir le télescope et ses instruments. Parce que donc JWST, sa spécialité, c'est donc de travailler dans l'infrarouge. Donc c'est-à-dire des longueurs d'onde qui correspondent à une certaine émission thermique. Et si le télescope n'est pas refroidi, en fait, ce que verront les instruments, ce sera simplement la chaleur. Ils verront le télescope lui-même, c'est-à-dire qu'ils verront la chaleur émise par le télescope en lui-même. Donc pour éviter ce problème et pour pouvoir avoir des observations très sensibles de l'univers, eh bien, on est obligé de vraiment refroidir le télescope et les instruments. D'où ce bouclier thermique. En pratique, en fait, il va vraiment devoir, en fait, pour fonctionner, ces instruments doivent être à 40 degrés au-dessus du zéro absolu, donc en degrés Celsius, c'est moins 233 degrés Celsius. Donc, il faut vraiment passer de chaud, température ambiante jusqu'à 50 degrés à moins 200 degrés Kelvin pour pouvoir mener nos observations. Moins 200 degrés Celsius, moins 200 degrés Celsius Kelvin, c'est plus compliqué. Oui. D'accord. Et donc la question, c'est pourquoi 5 couches? Pourquoi est-ce qu'un seul bouclier ne suffit pas? Et pourquoi est-ce qu'il y a besoin de plusieurs couches? Parce qu'on imagine que déployer une couche, c'est plutôt plus simple que d'en déployer 5, qu'il va falloir faire en sorte qu'elles ne soient pas en contact les unes des autres, enfin que tout ça complique quand même nettement l'opération. Parce que, exactement, mais compte tenu de la grande différence de température entre le côté chaud et le côté froid, une seule couche n'est pas suffisante. C'est comme ces couches, elles sont aussi souvent comparées à ces couvertures de survie qu'on a des fois quand on fait des randonnées ou que les pompiers ont aussi en couverture de survie. Juste une, c'est pas suffisant pour vraiment faire cette différence de température de plus de 200 degrés. Il faut vraiment plusieurs couches pour échelonner un petit peu cette descente en température et arriver à moins 200 degrés Celsius au niveau des instruments. Philippe Leday, vous vouliez réagir? Oui, enfin réagir non, je voulais juste compléter, c'était très parfaitement exact tout ce que vient d'expliquer Elodie. Les 5 couches, faut voir quand, d'un côté, le côté qui est au soleil, on peut faire bouillir de l'eau avec la température qu'il y aura, et de l'autre côté, eh bien, on a ces 40 cas qui ont été cités, c'est-à-dire moins 237 degrés Celsius environ. Donc pourquoi 5? Parce qu'entre chaque couche, on va évacuer la chaleur d'une première couche sur le côté, et puis la chaleur qui passe va être évacuée sur le côté entre la deuxième et la troisième, et ainsi de suite. Et puis en plus, ça met du vide entre les couches qui lui-même est un isolant. Donc en fait, il faut les 5 couches pour pouvoir aller de la température de l'eau qui peut bouillir d'un côté à la température très basse dont on a besoin de l'autre côté. Alors vous voyez que là, en ce moment, j'ai les chiffres sous les yeux, avec le déploiement qui pourtant n'est pas complètement terminé, notamment je pense que les 5 couches ne sont pas encore dissociées, à confirmer toutefois, on a déjà du côté froid moins 140 degrés à peu près, hein. Et du côté chaud, il y a à peu près 60 degrés. Tout ça, c'est des degrés Celsius. Hein. Donc, on a déjà une énorme différence de température. On voit déjà que le télescope est protégé. Élodie Choquet. Oui, je voulais juste réagir en disant que, les dernières nouvelles de ce matin, le centre qui commande le déploiement du télescope a annoncé qu'ils ont déjà réussi à déplier de façon correcte les 3 premières couches du télescope. Donc en fait, il ne reste plus que les 2 dernières à déployer demain, à attendre, je veux dire, pardon. Attendre, oui, c'est ça. Et qui sont peut-être, je crois même, en train d'être tendues au moment où nous sommes en train de parler. C'est possible, ouais. Compte tenu du décalage horaire avec les États-Unis. Avec les États-Unis, oui, c'est ce que j'avais cru comprendre. Une question à noter. Claudine, là aujourd'hui, le temps de communication entre la Terre et le James Webb maintenant et une fois qu'il sera à L2, il est de combien de temps environ? Est-ce que vous avez on a un ordre de grandeur à peu près, Elodie Choquet? C'est une bonne question. Oui, je pense qu'on connaît très bien cet ordre de grandeur que moi personnellement je ne connais pas. Je suis désolée. Philippe Laudet, vous le savez ça? Pas du tout. Il faut faire du calcul mental. On est à peu près aujourd'hui à 1 million de kilomètres. Hein. On a fait 913 millions de kilomètres. Donc 2/3. 13 000 kilomètres en horaire. Deux tiers. Mmh. Bon, à 300 000 kilomètres par seconde pour les ondes électromagnétiques, je vous laisse prendre votre calculette. Bah, allez, je pourrais faire du calcul mental, mais comme je suis obligé de penser aux questions suivantes. C'est assez facile. 300 000. Oui, 300 000 par 1 million, on va trouver. 300 000 kilomètres par seconde et on a 900 000 kilomètres. Il doit falloir quelques secondes, quoi. Mmh. Oui, une seconde, quoi. Continuons justement. Alors, puisqu'on parle de ce point de Lagrange L2, qu'est-ce que c'est exactement que ce point de Lagrange L2? Pourquoi avoir choisi cette destination? Je rappelle que c'est beaucoup beaucoup plus loin que le télescope Hubble, qui est à quelques centaines de kilomètres de la Terre. Qu'est-ce qu'il a de particulier et pourquoi ce James Webb Space Telescope a été envoyé à cet endroit, Elodie Choquet? Oui, donc effectivement, la différence avec Hubble, c'est que Hubble, en fait, il est même en orbite autour de la Terre, alors que JWST, il va être sur une orbite qui va accompagner la Terre dans sa rotation autour du Soleil. Donc, c'est-à-dire qu'il est, il y aura toujours la Terre, enfin la Lune, la Terre et le Soleil qui seront toujours du même côté du télescope. Et c'est précisément pour cette raison qu'on a choisi cette orbite. Enfin, une des raisons pour laquelle on a choisi cette orbite, c'est parce que voilà, justement, toutes les sources de chaleur dans l'infrarouge seront toujours du même côté du télescope. Et donc, c'est très pratique, justement, pour mettre un bouclier entre ces sources de chaleur, donc le Soleil, la Terre et la Lune, et nos instruments scientifiques. L'autre avantage, disons, de cette position, c'est que, en fait, comparé à Hubble, qui était, lui, en orbite autour de la Terre, c'est-à-dire que toutes les 90 minutes, il faisait un tour autour de la Terre. Et donc, il était constamment réchauffé, refroidi au cours de son orbite. Et ça limitait aussi le temps d'observation qu'on avait sur chaque cible scientifique. C'est-à-dire que on pouvait faire des observations que de 40-45 minutes d'une étoile avant d'être de l'autre côté de la Terre. Ce qui était pas forcément le plus pratique. Bon, c'est possible de faire plusieurs fois la même observation de la même étoile, mais disons que là, l'autre avantage d'être à ce point un peu plus éloigné de la Terre, c'est que on peut faire vraiment des longues observations de plusieurs heures, de plusieurs dizaines d'heures si besoin, sur la même cible de façon non interrompue. Alors je précise, hein, si vous voulez suivre en direct l'avancée de ce, moi je suis devenu fan de cette page. Il y a une page de la NASA qui montre vraiment heure après heure, jour après jour, l'avancée du James Webb. Et donc les prochaines étapes, Philippe Laudet, maintenant le Sun Shield, donc le bouclier thermique, devrait être fini de déployer d'ici demain. Ensuite, il va d'abord falloir déployer le miroir secondaire. Alors peut-être que on peut en profiter pour rappeler un peu, parce que on a en tête forcément le miroir principal, qui est ce miroir fait de 18 segments, mais il y a plusieurs miroirs dans le James Webb Télescope. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu comment est-ce qu'il est construit? Alors oui, bien sûr, c'est comme beaucoup de télescopes spatiaux d'ailleurs, enfin et terrestres aussi d'ailleurs. Hein. Vous avez un miroir secondaire dont le diamètre va déterminer la quantité de photons, enfin de lumière qu'on va réussir à récolter. Comme il était énorme là et puis qu'il est dans l'espace, il va atteindre, il a une surface collectrice bien plus grande que celle de Hubble par exemple. Mais ensuite, ce flux lumineux qui arrive sur le miroir principal est renvoyé sur ce miroir secondaire qui est un miroir plus petit, qui va se trouver dans l'axe et devant le miroir principal. Ce miroir secondaire va permettre de renvoyer en même temps, en le faisant focaliser, ce rayon lumineux vers les instruments qui se trouvent au plan focal. À l'intérieur de la boîte sur laquelle il y a les quatre instruments, il y a tout un circuit de optique qui permet de distribuer ces rayons aux différents capteurs qui constituent les quatre instruments du James Webb. Donc c'est une construction assez classique. Hein. Ce qui n'est pas classique, c'est de la mettre en œuvre à 1,5 million de kilomètres. Élodie Choquet, donc le miroir secondaire, quels sont les enjeux de ce déploiement? Le miroir secondaire, pour se le figurer un peu, hein, il est au bout de trois tiges qui sont à quelques distances du miroir principal. Ces tiges, elles sont déjà assemblées. Comment est-ce que ça va se passer, ce déploiement, et quels sont les enjeux de ce déploiement? Oui, exactement, c'est ça, le miroir secondaire est au bout de ces tiges qui sont actuellement pliées, donc elles sont repliées vers en direction du miroir primaire qui lui aussi est plié. Et ben voilà, donc c'est là aussi, donc l'étape suivante, ce sera de déployer ce miroir secondaire. Et donc là, il y a toujours aussi peut-être des risques que ce mécanisme se bloque. Donc pour chaque étape, en fait, du déploiement du télescope, il y a une petite phase où on a quelques sueurs froides. Donc ça en fera également partie. C'est vraiment critique parce que, ben voilà, sans miroir secondaire, le miroir primaire va collecter les photons, mais il va pas les renvoyer vers les instruments. Donc, il les renverra vers l'espace, vers l'univers, et ce qui sera très inutile pour nous. Donc voilà, d'où l'enjeu de ce miroir secondaire. Et l'étape, alors peut-être la plus périlleuse en tout cas, c'est le déploiement du miroir principal, parce que donc le James Webb tel qu'il a été envoyé, il y a six segments qui sont repliés sur le côté par rapport aux 12 principaux. Et là, je crois, Philippe Laudet, que au moment du déploiement du miroir principal, c'est-à-dire normalement dans 1, 2, 3, 4 jours, il va y avoir de l'ajustement, et cet ajustement, il doit se faire au nanomètre près. Oui, alors effectivement, ce sont des étapes très cruciales, parce que comme l'a dit Élodie, si les rayons lumineux repartent dans l'espace, c'est pas très utile. Par contre, une fois que ces miroirs sont déployés, restent les six autres, donc ça va être fait également. Et ensuite, il faut que la surface de chacun de ces petits hexagones soit parfaitement ajustée pour faire le point. Et pour ça, il y a des mécanismes qui sont derrière chaque hexagone pour modifier un petit peu leur forme en tant que de besoin, pour les positionner avec une mise au point qui est effectivement extrêmement précise, quoi, bien inférieure à un millimètre, hein, puisque vous avez donné l'ordre de grandeur. C'est du mécanisme d'horloger à 1,5 million de kilomètres dans le vide. C'est absolument exceptionnel comme type de technologie. Et le Choquet, on se souvient par exemple, alors c'est évidemment très très différent, puisque Hubble avait été prévu pour pouvoir être réparé depuis l'espace grâce à la navette spatiale. Ça n'est pas le cas du James Webb, qui sera beaucoup trop loin pour pouvoir être réparé par la main humaine. Mais on se souvient qu'au début, le Hubble était astigmate, qu'il avait un problème justement de miroir. Là, a priori, est-ce que ce type de risque est possible également pour James Webb? Ce sera pas forcément le même genre de défaut, parce que justement là, avec en fait, comme le disait très bien Philippe, le but de la phase après le déploiement du miroir primaire, ce sera voilà, d'ajuster ces miroirs ensemble pour qu'ils fonctionnent justement comme un miroir monolithique de concert, en fait, que ces 18 segments travaillent de concert. Et le fait de pouvoir les ajuster comme ça, ça permettra vraiment d'ajuster, d'éviter qu'il y ait des grosses aberrations comme ça. Encore une fois, avec l'expérience de Hubble, on sait qu'on n'est jamais à l'abri d'autres types d'erreurs qui auraient pu se produire, malgré la batterie de test qui a été faite plusieurs fois par tous les ingénieurs et techniciens de la NASA et de l'ESA. C'est un petit peu ça les enjeux. Et l'ajustement de ces segments de miroir, le déploiement va se passer en 2 jours, le déploiement du miroir primaire, mais l'ajustement des segments va durer sur une période de 11 jours, les quasiment 11 derniers jours du voyage, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que c'est un processus itératif, c'est-à-dire que, quand les miroirs vont être dépliés pour la première fois, juste après, en fait, ils vont être assez peu alignés, donc ils sont quand même positionnés dans une pré-position au mieux par les ingénieurs de la NASA, mais dans tous les cas, on aura quand même la première image. C'est sûr qu'ils seront pas bien phasés ensemble, et donc on aura une espèce de grosse patatoïde sur nos images. Au lieu d'avoir une image très fine d'une étoile, on aura 18 grosses images qui vont se moyennement se chevaucher, et donc l'idée l'idée, c'est de progressivement, itérativement, d'ajuster ses positions par une série d'algorithmes qui analysent la qualité d'image par étape pour calculer les corrections à faire et aligner les segments tous les uns après les autres par étape. Et ce qui nous amène doucement et tranquillement, et on espère sereinement, à l'arrivée d'ici bien la fin du mois de janvier au point de Lagrange L2. Et à partir de là, il va y avoir de nouveaux tests, cette fois-ci, pour faire travailler les instruments qui vont permettre à ces miroirs de travailler. On en parle dans un instant. The Stars Are Out Tonight, David Bowie à 16h35 sur France Culture pour parler du James Webb Space Telescope qui va faire sortir les étoiles et des étoiles très anciennes du ciel étoilé. C'est ce que nous espérons une fois qu'il aura fini son déploiement. Nous en parlons tout au long de cette heure en compagnie de Philippe Laudet qui est ingénieur, astrophysicien et responsable des programmes d'astrophysique au CNES et Élodie Choquet, astronome adjointe au laboratoire d'astrophysique de Marseille, à l'université Aix-Marseille. Alors nous avons longuement parler de ce télescope, de ces différentes parties qui vont se déployer, mais encore une fois, ces miroirs ne seraient rien sans les appareils qui sont derrière, qui vont permettre d'interpréter ces images. Parmi ces quatre appareils embarqués, l'un d'entre eux, MIRI, a été développé à l'Institut de Recherche sur les Lois Fondamentales de l'Univers au CEA, où vous êtes rendu, Céline Nozène, bonjour. Bonjour Nicolas, oui, j'ai rejoint Pierre-Olivier Lagage, c'était en décembre dernier, juste avant qu'il ne parte à Kourou pour assister au décollage. Il était légèrement stressé hein, car il suit la mission depuis le tout début et surtout il supervise la conception de MIRI. MIRI qui est donc l'imageur du James Webb, c'est un instrument qui permettra de scruter l'espace dans l'infrarouge moyen, c'est-à-dire entre 5 et 30 microns. Dans ces longueurs d'onde, on espère d'une part pouvoir traquer les exoplanètes et aussi pouvoir observer les galaxies lointaines, celles qui se sont formées dans les premiers âges de l'univers. C'est une réplique du miroir primaire, donc de 6,50 m avec les 18 hexagones. Et puis aussi on a le miroir secondaire. C'est-à-dire que la lumière arrive sur le miroir primaire et réfléchit sur le miroir secondaire, passe par le trou au centre du miroir primaire et va vers les instruments qui sont derrière ce miroir primaire. Et dans ces instruments, donc il y a quatre instruments, il y en a trois qui vont dans les longueurs d'onde, disons, d'infrarouge proche et un pour les longueurs d'onde plus lointaines, l'infrarouge thermique, et c'est MIRI sur lequel on a travaillé en France, au CEA et dans différents labos CNRS. Donc Miri, oui, fait donc bien partie des quatre instruments, placé derrière le miroir primaire. Et lui, il va vraiment aller sonder dans l'infrarouge moyen, ce qu'on appelle voilà. entre 5 et 30 microns. Exactement. C'est là où on a plus de chances de voir des objets de température basse, par exemple, ou faible. Alors ces objets de température basse ou faible sont associés à quel type de phénomène atmosphérique ou exoplanétaire on va sonder ? Voilà, exactement. Par exemple, il y a une des exoplanètes qui est ma chouchoute, on pourrait dire, qui est celle que je veux vraiment observer. Elle s'appelle TRAPPIST-1b. Il y a 7 exoplanètes autour d'une petite étoile naine, pas beaucoup plus grosse que Jupiter, froide, relativement froide. Et là, il y a ces exoplanètes, dont certaines dans la zone dite habitable. Ce sont des exoplanètes qui transitent, c'est-à-dire elles passent entre nous et l'étoile, on la voit passer, et quand elle passe devant l'étoile, elle arrête un petit peu la lumière de l'étoile. Elle occulte. Voilà, elle occulte, exactement. Et donc on voit une toute petite diminution du flux. Et pour Miri, ça sera l'autre technique, disons, enfin toujours la même technique, mais ça sera quand l'exoplanète passera derrière son étoile. Quand elle sera derrière l'étoile, il n'y aura plus que l'émission de l'étoile elle-même, et on fera la différence entre quand la planète était là et quand elle est derrière l'étoile, et on trouvera le flux par la planète. Alors là, c'est dit de façon rapide, hein. On a l'impression que c'est simple, mais oui, ça ne sera sûr, pas simple. Mais on comprend que l'enjeu, c'est d'arriver à discriminer le bon flux lumineux, et ça, c'est grâce à une des spécificités de Miri, qui peut assurer trois modes différents, enfin, une fonction de captation classique de la lumière, un spectrographe qui permet de retrouver toutes les signatures, et puis aussi un coronographe. Coronographe, voilà. Donc ça, c'est un mode high-tech, entre guillemets, de Miri, et c'est le LESIA à l'Observatoire de Paris qui a développé des coronographes de course, on dit à masque de phase. Et quand on met l'étoile juste au centre de ces coronographes, eh bien, entre guillemets, elle est éteinte et on peut voir les alentours. C'est-à-dire, on éteint l'étoile et on voit des petits points qui sont ces exoplanètes. On voit même qu'en fonction du temps, elles tournent autour de l'étoile. Donc ça va être une des cibles qui va être prioritaire pour nous dans le temps garanti. Alors on espère, on a bon espoir que le James Webb va partir d'ici quelques jours. En attendant, ici, on se trouve vraiment dans l'endroit où vous avez conçu et testé cet instrument qui sera un peu l'œil du télescope. Voilà, exactement. Ici, donc, Miri, il y a deux parties. Il y a un spectrographe intégral de champ, spectromètre intégral de champ, et un imageur avec les différents modes qu'on a discutés, hein. Imagerie simple, imagerie à haut contraste avec coronographe et spectroscopie basse résolution. Donc, nous, on a été en effet en charge de cette partie de l'instrument qu'on appelle MIRIM, IM pour imageur, qu'on a conçu ici au CEA, à CEA Saclay, et qu'on a testé, enfin intégré et testé dans la salle qui est un peu plus loin là-bas, où on peut aller s'approcher. Une salle grise ou blanche ? Non, parce que on intègre dans la salle blanche, mais une fois que c'est mis dans le cryostat, vous allez voir, ça ne craint plus la poussière. Donc il n'y a pas besoin d'être. On voilà. entend là le cryostat. Voilà, on entend les machines qui font le froid, parce que il faut absolument tester l'instrument dans les conditions de l'espace. Et ces conditions, il y a le vide et le froid, c'est refroidi. Donc on a ici un cryostat qui permet de reproduire ces conditions. Donc en bas, c'est la chambre de test où on a mis l'instrument MIRIM. Donc cet instrument n'est pas très très grand, hein. C'est une grosse boîte à chaussures. Et devant, il y a un simulateur de télescope, c'est-à-dire on rentre un faisceau lumineux dans MIRIM comme celui qui viendra du JWST. Et à partir de là, on peut faire tous les tests de performance de l'instrument avant de le livrer. Donc on a fait tous ces tests ici. Et une fois que le James Webb commence à travailler, par exemple à regarder ce système TRAPPIST, comment les données sont envoyées ici sur Terre ? Alors, tout passe par le STSI. Il y a des grandes antennes. Hein. Régulièrement, le satellite envoie les données, des grandes antennes de réception, et ça va au STSI à Baltimore, au centre d'opération. Et après, ça nous est envoyé dans les laboratoires. Donc, voilà comment le circuit. Et après, alors, on doit analyser ces données, et ça, c'est toute une... encore tout un traitement des données, c'est pas simple, mais... Le travail va vraiment commencer. Voilà, exactement. Et on a inventé des nouvelles méthodes pour pouvoir enlever tout ce qui ne nous intéresse pas, pour obtenir le signal vraiment qui nous intéresse. Et mais là, maintenant, il est temps d'avoir les données. Voilà un aperçu de cet instrument MIRI. Vous l'avez entendu, un reportage qui a été tourné quelques jours avant le lancement. Une réaction peut-être à ce que vous venez d'entendre l'un et l'autre, et plus généralement aux différents instruments qui équipent le James Webb Space Telescope et qui vont avoir des buts et des fonctions bien distincts les uns des autres, Élodie Choquet? Oui, exactement. Voilà, donc il y a quatre instruments qui sont très complémentaires. Donc ça, c'est fondamental. C'est vraiment ce qui fait la science qui est associée au télescope. Quoi. Le télescope, son rôle, c'est vraiment de collecter les photons ensuite les instruments derrière, c'est soit de les transformer en images, soit en spectres d'exoplanètes ou d'autres choses. Voilà, c'est vraiment les outils scientifiques. La boîte à outils scientifique du JWST. Alors, est-ce que vous pouvez rentrer un peu dans le détail, hein, parce qu'on a entendu là parler de MIRI, qui est un instrument qui constitue à la fois d'une caméra équipée de coronographes et de spectromètres, qui va effectivement certainement servir plus pour la détection d'exoplanètes, mais il y a d'autres imageurs, il y a d'autres caméras, il y a d'autres spectromètres qui sont embarqués. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon en fait de ces différents appareils, Élodie Choquet? Oui, pas de problème. Donc il y a effectivement trois instruments qui sont vraiment spécialisés dans l'infrarouge proche, donc de disons 0,6 microns à jusqu'à 5 microns. Il y en a un NIRCam, donc c'est un instrument américain qui lui, disons sa spécialité, c'est vraiment l'imagerie. C'est-à-dire qu'il va fournir des images, c'est vraiment sa spécialité. En plus, comme c'est un imageur, c'est aussi lui qui va, donc ça c'est un petit peu accessoire, c'est un petit peu moins sur la partie scientifique, mais c'est aussi lui qui va observer les premières images justement pendant la phase d'alignement des segments des petits miroirs du télescope pour les aligner. Donc lui c'est aussi un instrument qui est très important justement pour aligner le miroir primaire dont on a parlé tout à l'heure avec ses procédures. Donc voilà, c'est aussi une des capacités de cet instrument NIRCam. Ensuite aussi, donc dans l'infrarouge, disons on va dire proche, il y a NIRSpec où lui sa spécialité c'est vraiment de faire de la spectroscopie. Donc c'est-à-dire plutôt que des images, vraiment analyser le spectre des objets qu'on observe, donc que ce soit des galaxies ou des exoplanètes. Je ne sais pas si on en reparlera tout à l'heure. On va en reparler dans un instant, mais je vous en prie, poursuivez. Voilà, donc pour les exoplanètes, typiquement, analyser leur composition atmosphérique et je suppose également, pareil, la composition des galaxies, quand on observe des galaxies. Le troisième instrument dans l'infrarouge proche, donc c'est NIRIS. Donc lui, le I dans NIRIS et le S, c'est imageur et spectrographe. Donc lui, il a un petit peu les deux capacités, donc imageur et spectroscopie, mais de façon complémentaire à NIRCam et NIRSpec en termes de, disons, résolution spectrale et résolution sur les images. Et enfin, le dernier instrument, c'est bien sûr MIRI, dont Pierre-Olivier Lagage a très bien parlé, forcément, qui est le seul instrument dans l'infrarouge plus lointain. Enfin, c'est l'infrarouge moyen. Moyen, exactement, voilà, plus précisément. Donc lui, ce sera de 5 à 27 microns. Je n'ai pas précisé les contributions européennes ou canadiennes. Peut-être je pourrais dire que NIRSpec, c'est justement l'instrument européen. Développeur NIRIS, LISA. Ouais, exactement. Et NIRIS, l'instrument canadien. Et MIRI, c'est un petit peu 50-50 entre une bonne partie de l'ESA et des États-Unis. Et NIRCam, c'est l'Université de l'Arizona qui l'a produit aux États-Unis. Voilà, exactement. C'est ça. Et donc MIRI, donc lui, il va travailler dans l'infrarouge moyen, et donc il a, comme Pierre-Olivier l'a très bien dit, un imageur et un spectrographe. Imageur spectrographe. Alors ça c'est pour le tour un peu de l'instrumentation. Philippe Laudet, on entend infrarouge proche, infrarouge moyen. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Qu'est-ce qu'on va regarder? Pourquoi est-ce que tout ça va chercher dans l'infrarouge alors que Hubble, par exemple, puisqu'on compare souvent les deux instruments alors qu'ils ont des objectifs bien différents, étaient dans d'autres longueurs d'onde du spectre lumineux? Oui, alors Hubble avait un peu de proche infrarouge, hein, mais il avait aussi beaucoup de visible et puis un peu d'ultraviolet. Ouais. Et en fait, on a décidé de... Enfin, je dis on, j'y étais pas, mais les astrophysiciens qui ont travaillé sur la suite de Hubble ont décidé de se concentrer sur l'infrarouge parce que les trois missions principales de James Webb, pour aller au-delà de ce que Hubble, qui était arrivé un peu à la limite de ses capacités, pouvait faire, ben, en fait, requiert d'aller dans l'infrarouge. D'abord, c'est les galaxies très lointaines. Alors là, on veut voir les premières étoiles. Ça, c'est très compliqué de voir les premières étoiles parce que elles n'ont pas vécu longtemps. Elles ont vécu probablement à peine 1 million d'années. Donc c'est très très très très compliqué à voir. Elles sont finies par des supernovas, mais pour pouvoir les voir, normalement, ça émet dans l'UV ces planètes-là. Mais comme l'univers est en expansion, c'est comme si vous étiriez, vous voyez, une sinusoïde qui représenterait les ondes électromagnétiques sur un espèce de tissu élastique comme il y a sur la ceinture de votre pantalon. Vous dessinez la sinusoïde, et puis comme tout ça c'est en train de, pendant que tout le temps où ces longueurs d'onde là UV transitent dans l'espace, et ben il se passe des milliards d'années pour arriver jusqu'à nous, et bien comme pendant tout ce temps là il y a de l'expansion, c'est comme si vous tiriez sur l'élastique et vous voyez bien que la longueur d'onde elle s'est étirée. Donc en fait, pour voir des premières étoiles qui émettent en UV si vous étiez à côté, il faut regarder en infrarouge, c'est-à-dire à l'autre bout du spectre lumineux. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle, juste pour résumer, on en a déjà beaucoup parlé pour les auditrices et les auditeurs réguliers de l'émission, c'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge, le redshift. Voilà. Évidemment, à cause de l'expansion de l'univers, eh bien, il faut aller regarder dans l'infrarouge pour voir les objets les plus lointains, puisque leur lumière s'est décalée pour la raison que vous venez d'expliquer brillamment. Mais du coup, alors, puisque l'objectif c'est de voir très loin, jusqu'où a-t-on l'ambition de remonter? Qu'est-ce qu'on veut aller voir si loin dans l'univers avec ce James Webb, Philippe Laudet? Eh bien justement, je crois que les objets les plus lointains, ce sont ces premières étoiles qui sont juste après les âges sombres, c'est-à-dire à partir du moment où les premières étoiles s'allument, puisque enfin dans nos modèles, c'est là qu'elles devraient apparaître. Donc c'est environ au bout de quelques millions, quelques centaines de millions d'années-lumière. Donc là, on s'attend à les trouver, mais comme on vient de le dire, c'est très compliqué de tomber dessus parce que suivant l'endroit où on regarde pas à la même époque, et 1 million, c'est presque un clin d'œil. Donc pour arriver à la voir, on est obligé d'avoir un très grand miroir pour avoir la lumière et d'être dans l'infrarouge. Ensuite, le jour où ce qu'on arrivera certainement à voir, c'est comme c'est des étoiles dont on soupçonne d'après notre modèle qu'elles font entre 30 et 300 masses solaires, elles se terminent par des supernovas. C'est ces supernovas qu'on voudrait voir. Et si on tombe dessus, eh bien nous permettrons d'étudier la façon dont ces étoiles ont contribué à répandre tous les atomes qu'elles avaient synthétisés dans l'univers primitif, et puis ensuite de voir comment les premières galaxies se sont formées et quelles étaient leurs formes par rapport à celles qu'on connaît aujourd'hui. Voir l'évolution de la forme des galaxies, c'est quelque chose qu'on connaît mal encore. Donc Webb peut aller voir ça. Alors, pour vous donner une idée, Hubble, avec de très longs temps de pause dans son grand... il avait des champs où il a regardé pendant plusieurs jours la même zone et a permis de voir des choses très très très... avec des temps de pause de plusieurs jours, oui, parfois plusieurs dizaines de jours. Je pense que Elodie doit connaître ça beaucoup mieux que moi, mais je crois que l'Ultra Deep Field c'était 16 jours. Et bien avec les capacités de Webb, et en plus en étant dans l'infrarouge, on peut atteindre la même sensibilité au bout de 7 heures simplement, vous voyez, grâce au miroir plus grand. Et en plus on voit à travers les nuages de poussière, puisque Hubble était bloqué par les nuages de poussière et les nuages de gaz, ce qui nous amène à la deuxième mission, c'est de voir comment les étoiles et les systèmes planétaires se sont formés. On a plein de zones passionnantes comme dans Orion ou dans des nébuleuses stellaires, ce qu'on appelle les pouponnières d'étoiles, c'est mignon comme tout, où on a d'ailleurs un ERS, Early Research Programme, enfin Science Programme qui a été choisi en France, enfin le coordinateur est à l'IRAP, Olivier Bernet, mais avec tout un tas de partenaires. ERS, juste je précise pour nos auditrices et nos auditeurs, oui, ce sont les tout premiers programmes qui vont être lancés, il y en a 13 en tout, dont celui que vous citez qui est mené par une équipe française ERS, effectivement pour Early Release Science Programme. Voilà, et donc ils vont pouvoir percer toutes ces zones où les premières étoiles, où les étoiles naissent, voilà, et les percer en voyant à travers les nuages de poussière. Donc c'est aussi très bien d'être dans l'infrarouge pour cette raison. Puis la troisième mission, c'est celle qui est la spécialité d'Elodie, je crois, c'est les exoplanètes, à celle de Pierre-Olivier Lagage également, qui est le PI de MIRI, et voir comment notre système solaire évolue. Enfin, on peut aussi regarder vers notre système solaire, mais au-delà de l'orbite terrestre, c'est-à-dire on peut regarder Mars et compléter tout ce que les rovers et les orbiteurs martiens ont jusque-là dit, mais on peut regarder aussi les lunes glacées de nos géantes, l'infrarouge s'y prête très très bien. Et puis regarder les comètes qui sont gorgées d'eau, donc notre système externe. Donc on peut voir une multitude de choses et pour chacune, l'infrarouge est primordial. Donc c'est pour ça qu'il fallait qu'il soit froid, donc c'est pour ça qu'il allait à L2, qu'on a mis un bouclier thermique. Et pour revenir aux instruments, MIRI est plus froid que les trois autres instruments. Pour MIRI, on est obligé de descendre jusqu'à 6 Kelvin, c'est-à-dire à peu près moins de 277 degrés Celsius, d'après ce que j'ai noté. Moins de 267, pardon. 67, oui, parce que voilà, c'est 273 le zéro absolu. Exactement, bon, avec mon, sauf si je me suis trompé, c'est 267,15 degrés Celsius. Voilà, et en fait, c'est pour MIRI, on a été obligé de rajouter ce qu'on appelle un frigo, c'est-à-dire une machine cryogénique qui a été faite, qui est une servitude du télescope, donc elle a été faite sous supervision du JPL, le Jet Propulsion Laboratory, et qui permet de descendre avec de l'hélium refroidi, hein, et c'est le bruit qu'on entend dans le reportage de Pierre-Olivier tout à l'heure, c'est cette machine qui est là spécifiquement pour MIRI, voilà. Élodie Choquet, pour conclure, racontez-nous un peu, donnez-nous, faites-nous rêver ou partagez avec nous les rêves que vous avez à propos de ce James Webb, je vous laisse le mot de la fin, allez-y. oui, alors moi, ce qui me fait rêver avec James Webb, c'est vraiment l'étude des systèmes extrasolaires, comme l'a bien annoncé Philippe. donc les systèmes extrasolaires, c'est un petit peu ce qui nous fait rêver parce que ça nous donne des vues de ce qui se passe autour d'autres étoiles, donc sur d'autres mondes. Et donc il y a plein de façons de les étudier. Et disons que JWST est vraiment équipé de vraiment toute une suite d'instruments complémentaires pour les étudier. Pierre-Olivier a mentionné deux façons de les observer. D'une part, la méthode des transits, donc c'est-à-dire quand une planète passe devant l'étoile et obscurcit, disons atténue la lumière de l'étoile, et donc lorsque cet événement se produit, ça nous donne une indication de la taille de la planète. Et donc si dans l'atmosphère de cette exoplanète il y a des molécules particulières qui absorbent la lumière à certaines longueurs d'onde, eh bien la planète va nous paraître plus grosse à ces longueurs d'onde-là, parce que la lumière sera absorbée et elle paraîtra donc plus grosse. Et donc si on fait cette analyse à toutes les longueurs d'onde, on peut reconstituer comme ça le spectre de l'atmosphère de la planète et donc étudier quelle est sa composition. Donc en général, avec cette méthode-là, les transits, on l'utilise surtout pour des planètes qui sont assez proches de leur étoile, disons typiquement Trappiste. Exactement, Trappiste, c'est un excellent exemple. Autour des nœuds rouges. Exactement, et plus généralement, celles qui sont à l'intérieur de l'orbite de la Terre, on va dire. C'est-à-dire à moins d'une unité astronomique. Écoutez, en tout cas, il est évident que nous allons suivre ça de très très près. Les premières lumières ne devraient pas arriver avant le mois de juillet, donc il n'est pas sûr que ce soit pour cette saison de la méthode scientifique, mais en tout cas, il est évident que nous vous tiendrons au courant et que nous regarderons ces observations et ces premières images du James Webb Space Telescope, en espérant évidemment que la fin du déploiement se passe dans les meilleures conditions, dès que nous en aurons l'occasion. Merci beaucoup à tous les deux, merci Élodie Choquet, merci Philippe Laudet d'avoir été avec nous pour nous parler de ce petit bijou de l'exploration spatiale, la méthode scientifique. C'est Amel Boucherka, Mariam Ibrahim, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Natacha Triou, Dominique Guestin-Villefranc, Alexandra Delbo, Loïc Dutoit, Olivier Bétard à la réalisation et Jordan Fuentes à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'appli Radio France, sur franceculture.fr, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.